pieds dans des taudis avec des caisses comme but. La rue marque et des buts, mon nana qui est des buts. On squattait les MJC pour se faire un peu de fric. Un soleil de plomb sur nos têtes, bienvenue en Afrique. Et on était fertile pour ceux qui vivent en haut. Faut qu'on le manque toi mec qui mais super ghetto. Avec toutes nos souffrances on pourra écrire un livre. J'étais dans un monde de fléaux et ces maladies qui nous privent. On se consolait avec les paroles d'espoir des nécessaires. Quelques bandes de négros avec une vie primaire. On ne vivait pas un destin à la Zack et Cody. L'idée pas battue à la maison blanche comme Cody. On ne vit pas la vie que souhaitait nos pères. La réalité se gêne pas pour briser nos rêves. On a vu tant de frères au destin qui s'achève. On se sent les coups de terre, on verra la vraie terre. Tout le monde, oh, yeah, oh, ah, ah, ah, ah. Rue de l'espoir, oh, oh, oh, ah, ah, ah, ah, yeah. Check, check, bidonville numéro 10, les élobies de nana. Ici les filles ne rêvent qu'une vie à Anna Montana. Tu sais beaucoup de mecs souffrent dans nos ghettos, ghetto bled. La famille nous répondait, voilà l'écho de mon bled. Non loin du secteur, on apercevait des super gamos. Ces fils de riches déprisables qui se prennent pour mille ans de paros. Du gun en plein semelle et de la haine sur nos signes. Des maisons chutes sous les secousses de Jimmy. Il nous fallait un truc qui nous sortira du noir. Alors c'est avec nos cœurs qu'on a créé la rue de l'espoir. Qu'elle nous porte avec ses ailes pour qu'on décroche le jackpot. Comme la fouine, on cherche ta monnaie avec ou sans les dettes. On ne vit pas la vie que souhaitait nos pères. La réalité se gêne pas pour briser nos rêves. On a vu tant de frères au destin qui s'achève. On se sent les coups de terre, on verra la vraie terre. Tout le monde, oh, yeah, oh, ah, ah, ah, ah. Rue de l'espoir, vous apercevez le marché des rêves, yeah. Dites-lui merci car la vie m'a rendu mon dû, yeah. C'est pour les mecs comme Synopsis, Fura, c'est héros qui clash avec des destins, armé d'un gun, évolution pro. La route est longue, semée d'embûches. On espère vivre un Noël avec comme repas une bûche. Ma vie s'illumine, j'ai réalisé mon plus grand rêve. Chantant entouré d'un public dans les plus grandes scènes. Comme pour dire que Dieu n'oublie pas les oiseaux du ciel. Tu peux me graver en édifice, ça y est, c'est mes officiels. On ne vit pas la vie que souhaitait nos pères. La réalité se gêne pas pour briser nos rêves. On a vu tant de frères au destin qui s'achève. On se sent les coups de terre, on verra la vraie terre. Tout le monde, oh, oh, yeah, oh, ah, ah, ah, ah. Rue de l'espoir, que souhaitaient nos pères. La réalité se gêne pas pour briser nos rêves. On a vu tant de frères au destin qui s'achève. On se sent les coups de pédé, qu'on verra la vraie terre. Tout le monde, oh, yeah, oh, ah, ah, ah. Rue de l'espoir, oh, oh, ah, ah, ah, ah, ah. Yeah, toujours Slim Mario, tous les mecs du ghetto. Yeah, au-delà des frontières.